Salut à tous, fidèles auditeurs de la Radio Sanganilo. Bienvenue à cette édition de la mi-journée, dont voici d'abord la charpente. Les employés sont appelés à être dynamiques au travail et les employeurs à considérer les employés. C'est un appel du président de la République, Evariste Ndayishimiye, en marge de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Toujours en marge de la célébration de cette journée, le Parti Mouvement des Patriotes Humanistes demande l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Plus de 1500 familles touchées par les travaux de construction du barrage Jiji Mouremgué ont été indemnisées, précise le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines. Vous allez l'écouter dans cette édition. Yvette Nijimbele est à la présentation de ce journal. La mise en onde est assurée par François Akimana. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Le dialogue entre les syndicalistes et les employeurs sera désormais privilégié dans le but d'accroître la production. C'est ce que promet le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, dans son discours à la Nation ce vendredi, à la veille de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Le chef de l'État interpelle les employés à être dynamiques au travail et les employés à ne pas considérer les employés comme leurs esclaves. Suivez-le, le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Armel. Un conseil à tous les employés, que chacun s'attelle à son travail avec aplomb. Travaillez avec courage et dynamisme et servez d'exemple aux autres. Travaillez en ayant à cœur de laisser un bon souvenir à la postérité. Pour ce qui est des négociations, des conditions de travail, si des conflits surgissent en milieu de travail, et c'est inévitable, privilégiez le dialogue pour discerner les contours du problème. Trouvez ensemble des solutions durables dans un esprit d'entente et de médiation et en conformité avec le code du travail. Si cela ne marche pas, demandez conseil avant de porter vos différends devant le public. Cette manière de faire permettra d'augmenter la production et réduira même le nombre de dossiers portés devant les juridictions. Nous interpellons les employeurs à ne pas considérer les employés comme des esclaves et les employés à travailler avec dynamisme, à considérer le travail comme le leur. Aux syndicalistes, nous les interpellons à être des vrais conseillers pour leur propre intérêt, pour l'intérêt de leur travail et pour l'intérêt du pays. Que tous, employés et employeurs, partagent les pertes et les bénéfices de leur travail, le cas échéant. C'est pour cela que j'annonce que les négociations de travail seront désormais une priorité. Nous allons continuer à sensibiliser les employeurs pour privilégier le dialogue avec les syndicalistes pour discuter des conditions d'amélioration de la production. La fête du travail des travailleurs a été célébrée au niveau national en commune et Buganda de la province Chibitoke en présence du chef de l'État. Les associations de travail et les syndicats devraient étudier ensemble les problèmes politiques et sociaux dans le but d'améliorer les conditions du travail chez les travailleurs. Ce sont les propos du président du Parti Mouvement des Patriotes Humanistes au moment où ce samedi, le monde célébrait cette journée internationale du travail des travailleurs. Nick Paul Casimir Nichaindi demande au gouvernement de faire tout possible pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Suivez-le. Créer un cadre légal, un ministère propre du travail, de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Recentrer les différentes agences et offices d'exécution sous le même toit pour maximiser les outils du Bureau international du travail. Et enfin, décentraliser cette agence de développement de l'emploi dans des régions comme Gitega, Ngozi, Bururi. Ça, c'est une priorité à laquelle il faut s'attacher. Et de deux, organiser les états généraux de l'emploi décent sous forme de dialogue social élargi, modèle tripartite, c'est-à-dire entre le gouvernement et les partis politiques, l'association des employeurs du Burundi avec les chambres fédérales de commerce et d'industrie, les syndicats et la société civile. Enfin, il faut superviser un vaste plan de formation à travers ces nouvelles agences et réactiver le tandem école-entreprise. La formation en alternance, il faut mettre en place un fonds d'emploi et d'entrepreneuriat. c'est-à-dire organiser une table ronde des bailleurs de fonds et partenaires du Burundi dans un pays de préférence à l'extérieur du Burundi. Et quoi faire pour faciliter les conditions de travail chez les travailleurs? Je dirais qu'il faut continuellement penser à un salaire décent qui peut permettre à l'employé de mieux travailler. Aussi, continuellement penser à la sécurité sociale pour son avenir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le salaire décent, la sécurité sociale pour le futur vers une pension propre, ce sera une des priorités pour les prochaines années. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h passées d'une minute dans le studio de Radio Isanganilo. Continuons notre édition dans la page éducation. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique compte améliorer le système d'évaluation en réseau pour parier aux défis qui se sont manifestés en vue d'assurer la bonne réussite aux élèves lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre de 2020 à 2021. Ce vendredi, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique a indiqué que les échecs sont liés au fait que certains enseignants des cours du soir ne respectaient pas les critères d'évaluation concernant les questionnaires donnés aux finalistes des cycles du cycle fondamental et post-fondamental. Dr François Abdelimana signale qu'ils seront utilisés pour le renforcement. Le point avec Omer Ndouaye. Lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre 2020-2021, Dr François Havjarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, dit que le ministère est en train de lever tous les défis qui se sont manifestés lors du système d'évaluation en réseau. Ce système d'évaluation, c'est un très bon système, apprécié par tous nos partenaires, mais tout simplement comme c'est un nouveau système, les défis ne peuvent pas manquer au niveau du ministère. On est en train de tout faire pour améliorer ce système d'évaluation pour lever tous ces défis. Le ministre de l'Éducation estime que ce problème cause des ennuis aux enseignants dispensant les cours d'histoire, habitués à donner à l'avance les questions d'examen à leurs apprenants pour les favoriser. Des fois, c'est lié au fait que certains écoliers suivaient des renforcements, je dirais, d'histoire et certains enseignants, avec l'ambition de gagner plus d'argent, ils donnent des exercices le soir et ce sont ces mêmes exercices qu'il donne le lendemain comme évaluation. L'élève qui a suivi ce renforcement le soir, il a une très bonne note, mais dans l'évaluation à réseau, ce n'est pas nécessairement cet enseignant qui va choisir l'examen. Et à ce moment-là, l'élève a moins de chances de réussir comme il réussissait si c'était cet enseignant qui choisissait l'examen. Concernant les questions d'épreuve type données aux finalistes du cycle fondamental et ceux du poste fondamental, le ministre conseille les élèves à les considérer comme de simples exercices qui visent à les renforcer. La banque de questions qu'on va donner aux candidats au concours et à l'examen d'État, ce n'est pas la première fois qu'on donne des épreuves types aux élèves, que ce soit pour le concours, que ce soit pour l'examen d'État. Tout simplement, on a essayé d'enrichir la banque de questions pour que les candidats au concours et à l'examen d'État puissent s'exercer correctement. Comme ce sont des exercices qui couvrent tout le programme vu tout au long de l'année. Celui qui parviendra à s'exercer avec toutes ces questions, il n'aura pas de problème à réussir au concours national, à l'examen d'État. Docteur François Havjarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, fait savoir que le concours national est prévu dans son mois de mai. Merci Omar Ndouaye. Page énergie de cette édition. Plus de 1500 familles touchées par les travaux de construction des barrages Djigui Mouremgué ont été indemnisées, a précisé ce vendredi le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines lors de la présentation du bilan du troisième trimestre de cette année. Le ministre Ibrahim Ouizeye a en outre indiqué que l'état d'avancement de la construction des barrages à l'intérieur du pays ou régionaux est satisfaisant. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Projet d'hydroélectrique de Djigui Mouremgué qui va nous donner 49 MW. La construction de la cité d'exploitation est presque terminée. Il est estimé à 95%. La construction des routes d'accès à la cité d'exploitation est avancée. Aujourd'hui, est estimée à 60%. Les travaux des routes d'accès au niveau du barrage Djigui sont estimés à 55%. Pour atténuer les impacts sociaux et environnementaux du projet, au total 52 maisons sont déjà construites dans le cadre du projet pour pour les personnes affectées dans la zone du projet. Plus de 1593 ménages ont été financièrement indemnisés pour les différentes pertes subies par, surtout dans la zone du projet. Le projet hydroélectrique du Mhanda va nous donner 10,4 MW. La reprise des activités est en cours de préparation. Projet d'hydroélectrique de Kabou 16, qui va nous donner 20 MW. Ce projet est financé par le crédit de la banque Exim Bank of India et les travaux avancent normalement. Le taux d'avancement des travaux de construction de la centrale est estimé à 54,76%. Le projet hydroélectrique de l'Uzibazi, qui va nous donner 15 MW, les travaux avancent normalement et le taux d'exécution actuel dans l'ensemble de l'aménagement de la centrale Uzibazi atteint à 70%. Les projets régionaux. La construction de la centrale hydroélectrique Rusumo Force de 80 MW. Les travaux de construction du barrage avancent normalement. L'avancement des travaux aujourd'hui de génie civil électromécanique est actuellement à 77% d'exécution. La construction de la centrale hydroélectrique Ruzizi 3 qui va nous donner 147 MW. Ce projet a été conçu à l'origine pour une capacité de 147 MW, mais les promoteurs privés de ce projet ont proposé aux États membres, Burundi, RDC et Rwanda, une nouvelle option de 230 MW. Et les études complémentaires pour valider la nouvelle option sont terminées. Il reste l'analyse du rapport des études. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Nous vous remercions, vous tous qui êtes à l'écoute. Bonne fête à tous les travailleurs. Dans un instant, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Les enseignants fêtent le 1er mai avec beaucoup d'insatisfaction, rapporte le journal La Voix de l'enseignant, qui précise qu'ils sont aujourd'hui confrontés à plusieurs problèmes qui font obstacle à leur épanouissement. Ce confrère en cite quelques-uns. La prime d'harmonisation leur accordée durant les 5 dernières années n'a pas permis l'évolution de leur salaire au même rythme que la variation des prix sur le marché. Leur formation initiale est lacunaire et la formation continue n'existe pas. Ils manquent de soutien constant. Ils sont parfois victimes de discrimination, voire d'agressions violentes en milieu de travail. Ils font face aux effectifs trop élevés d'écoliers et élèves dans les salles de classe. Les réformes mal pensées du système éducatif compliquent leur travail. Les enseignants redéployés endurent les conséquences de cette mesure. À l'occasion de la Fête internationale du travail des travailleurs, les enseignants ne demandent que la valorisation de leur métier, conclut cet hebdomadaire de l'éducation. Pour les états généraux de Rumuri, c'est le titre de l'éditorial du journal Iwachu cette semaine. Ce confrère suggère en effet aux responsables de l'université du Burundi se grenier du savoir, de s'asseoir ensemble, une sorte des états généraux, pour inventorier tous les problèmes qui minent la boîte et proposer les voies et moyens de sortie. Sinon, s'inquiète cet hebdomadaire, cette université connue sous le sobriquet de Rumuri, le flambeau en Kirundi, risque de voir sa flamme s'éteindre comme la vie de Joël Nindorera. Ce jeune étudiant en bac 1 en histoire à l'université du Burundi et dont la mort qui aurait été causée par la faim a choqué, révolté, dégoûté beaucoup de gens. Un professeur qui s'est confié à notre confrère Iwachu estime que le retard du prêt bourse n'est que la partie émergée de l'iceberg par rapport aux défis auxquels est confrontée l'institution. L'aéroport international Melchior Ndadaye, menacé par les inondations, alerte l'agence burundaise de presse ABP, qui signale que ce serait la conséquence du glissement des rives de la rivière Mhanda. Cette rivière, située en zone Rukaramu, précisément à 30 mètres de la clôture de cette infrastructure, risque de provoquer des inondations dans les environs si rien n'est fait pour le protéger, précise la BP. Les habitants et les riziculteurs du village de Rukaramu s'inquiètent déjà de cette menace et demandent au gouvernement et tous ceux qui peuvent faire quelque chose de protéger cette rivière pour éviter le pire, conclut ce quotidien. Revue de la presse. Les épaves des véhicules de l'État seront bientôt confiées à l'Office burundais des recettes pour les vendre aux enchères. C'est ce qu'écrivent nos confrères de la Nova sur leur page Facebook. Ils expliquent qu'il s'agit de lutter contre les saletés que causent ces vieux véhicules hors service. Et comme l'expliquent encore ses confrères, le ministère des Infrastructures, des Équipements et des Logements sociaux veut que ces épaves soient transformées en d'autres objets ou équipements. Comme le rapporte toujours son confrère en ligne, le ministre Deon Sangani Umwami a demandé aux différents coordonnateurs de projets de remettre leurs équipements mobiliers et roulants à l'État, puisqu'il a été constaté qu'à la fin des projets, ces coordonnateurs donnent ces équipements, surtout les véhicules, à ceux qu'ils veulent, alors qu'il s'agit d'un patrimoine de l'État. C'était lors de la présentation des réalisations de ce ministère pour le premier trimestre 2020-2021. Enfin, le journal Burundi Echo nous révèle la personnalité de Léonce Ndikumana, burundais et professeur distingué en économie à l'Université de Massachusetts aux États-Unis. Il vient d'être nommé Andrew Carnegie Fellow 2021 par la Carnegie Corporation de New York. Cet expert en macroéconomie et en développement dans les pays africains est le premier membre du corps professoral de cette université à recevoir cet honneur, rapporte son confrère. Chaque année, écrit toujours cet hebdomadaire, le programme Andrew Carnegie Fellows récompense un groupe restreint d'universitaires et d'écrivains qui reçoivent un soutien philanthropique pour des bourses d'études en sciences humaines et sociales, abordant les problèmes importants et persistants auxquels la société est confrontée. Les projets des boursiers portent sur un large éventail de sujets politiques, économiques, technologiques, humanistes et sociologiques complexes. La reconnaissance comprend une allocation de $200,000 américains que Ndikumana utilisera pour ses recherches sur l'impact macroéconomique et développemental de la fuite des capitaux des pays africains. Une question qu'il a étudiée pendant la majeure partie de sa carrière, précise toujours Burundi Echo. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.